Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 20 juillet 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier, vous écoutez donc Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté. Surveillez, alors nous sommes presque en vacances à Paris, il n'y a plus grand monde, mais il y a encore les meilleurs, puisque j'ai invité pour ma dernière émission avant les vacances, Henri de Lesquin. Bonsoir Henri. Bonsoir Martin Pelletier. Et je vous ai demandé de venir avec toutes vos casquettes, et je ferai bien la différence entre les différentes casquettes. Et votre première casquette est celle de, je vais me dire si je me trompe, président du conseil d'administration de Radio Courtoisie, c'est bien ça? Président de Radio Courtoisie, président de l'association qui est éditrice de la radio dite Radio Courtoisie. Alors, moi j'ai entendu, j'ai regardé les sites nationalistes, etc. Quelle erreur. Donc, j'ai entendu qu'il y avait une petite crise à Radio Courtoisie. J'ai aussi vu qu'il y a un développement à Radio Courtoisie. Alors je voudrais qu'on parle justement plutôt positivement de ce que va devenir du développement de Radio Courtoisie, et notamment, j'ai lu l'information selon laquelle le CSA a reconduit pour 5 ans, donc jusqu'au 3 septembre 2022, l'autorisation d'émettre à Paris en modulation de fréquence, donc qui venait à échéance normalement au mois de septembre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une surprise, bonne surprise. Non. C'est... En fait, c'est tellement une information de routine qu'en temps normal... Je n'en aurais même pas parlé, parce que cela allait de soi. Je peux donner quelques détails techniques sur la procédure. Le CSA, qui s'appelait autrefois la Commission nationale de la communication et des libertés, donne des autorisations d'émettre par oui. secteur. Ça s'appelle un CTA, Centre technique audiovisuel, autrefois Centre technique régional. Et ces autorisations, il les donne dans un premier temps... après, un appel à candidature, un appel d'offres, si vous voulez. Mm-hmm. Et puis, il choisit les meilleures radios, ceux qu'il estime être les meilleures radios, selon ses critères, sans doute discutables. Et cette autorisation est donnée pour 5 ans aux radios qu'il retient. D'accord. Et à la suite de cela, la reconduction est quasiment automatique pour 2 fois 5 ans, ce qui fait un total de 15 ans. Alors, la situation aujourd'hui est très différente de celle de 2007. Alors, 2006-2007, il y a une vraie crise. Là, oui. Une vraie crise. Jean Ferret est mort. Jean Ferret, le fondateur de Radio Courtoisie, rappelons-le, avec son cofondateur Serge de Bekkelch, dont vous êtes l'héritier, puisque c'était... Pas l'héritier, mais l'ami. Voilà. Non, mais vous êtes l'héritier spirituel, puisque vous dirigez une des éditions du livre journal de la Résistance française, qui était son livre journal. C'est vrai. D'ailleurs, le mercredi soir. J'allais souvent le voir. Allez, continuons. Et donc, la crise de 2007 était une vraie crise. Racontez-nous ça. Je peux vous en parler pendant 2 heures, parce que c'était une crise épouvantable, et je dois dire que je vais manquer de modestie, mais je crois que s'il y avait tellement de difficultés que, comme disait l'autre, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait, tellement c'était difficile. En 2006, donc j'ai succédé à Jean Ferret, de facto, le 5 août 2006, lorsqu'il a été hospitalisé. D'accord. Et il est entré à l'hôpital pour ne plus en sortir vivant. Il est mort le 10 octobre 2006. Et donc, la situation était épouvantable. Alors la radio, elle était... Ce qui était positif, c'était que la radio était une grande radio, avec beaucoup d'auditeurs qui l'aimaient, avec une grande ferveur, comme aujourd'hui. Mais la situation financière était calamiteuse. Mauvaise, oui. Pas mauvaise, nous étions en faillite en réalité. Ah d'accord. Si l'association avait une société, elle aurait dû déposer le bilan. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait sur la table 500 000 euros de dettes, de factures non payées. À ce point. C'était dramatique. La situation administrative était calamiteuse. C'est-à-dire, en deux mots. C'est très simple. Une association, ça a des statuts. Et ouais. c'est censé agir selon les statuts. Bon. Et Jean Ferret était un grand homme, des points de vue éditorial, et de beaucoup d'autres points de vue aussi. Mais alors, des points de vue administratifs, il était, et que ça qu'il me pardonne dans l'au-delà, mais il était nul. En général, les journalistes ne sont pas très administratifs. J'en ai pas connu qu'ils soient bons administrateurs. Alors, c'était effrayant. C'est-à-dire que l'association qui édite Radio Courtoisie, qui s'appelle en fait Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, CDARS en abrégé, a été créée en 1985. Bon. Par six personnes, dont trois avaient été nommées par Jean Ferret, trois par Serge de Bekech, lesquelles n'avaient aucune envie d'entrer dans les détails administratifs. Mais gérer la radio de facto. Donc il y avait déjà un clivage un peu anormal entre une association qui était fantomatique et puis les gens qui dirigeaient la radio de facto, c'est-à-dire essentiellement Jean Ferret, accessoirement, si je puis, enfin à côté Serge de Bekech, qui n'avait aucune envie de s'occuper non plus de l'administration, non. Et qui avait son émission, l'émission phare de la radio, celle de la vôtre aujourd'hui, le mercredi soir de 18h à 21h. Et les statuts disaient qu'il fallait des assemblées générales annuelles. Réunis par voie de presse, après un avis dans la presse. D'accord. En 2006, il n'y avait pas eu le moindre avis dans la presse. Alors, moi, j'ai effectivement, quand Jean Ferret m'a demandé de m'occuper un peu de cela en 2005, j'ai dit, essayons de raccommoder les morceaux, de recoller les morceaux, et nous avons fait un appel dans la presse. Mais ça ne réparait pas les lacunes antérieures, c'était impossible. Donc, lorsque l'un des sycophantes a trouvé l'un des membres fondateurs de la radio pour nous faire un procès en demandant la nomination d'administrateur judiciaire, mon avocat était très optimiste. Il m'a dit « Si j'étais l'avocat de la partie adverse, je vous garantirais le succès. » Vous voyez que c'est quand même encourageant. Alors donc, nous avons plaidé, d'accord, nommons un administrateur judiciaire. Et vous voyez, pour vous montrer à quel point la situation était dramatique, c'est que ça se combinait... C'était en 2007, avec le renouvellement de l'autorisation à la suite d'un appel d'offres, d'un appel à candidature. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé en 2006, alors je ne connaissais rien au fonctionnement. Moi, j'étais patron d'émission, mais je ne m'occupais absolument pas du fonctionnement, sauf depuis peu de temps, et en tout cas pas des appels à candidature. On me dit, mais maintenant, c'est le terme, nous avons eu un renouvellement de 5 ans automatique la dernière fois, mais maintenant, il faut un appel à candidature. Donc, il fallait faire tout un dossier de candidature, et puis nous étions en concurrence, et n'avions pas, en quelque sorte, de droit absolu à être reconduit. Non, c'est pas du tout automatique, effectivement, à ce moment-là. Le CSA s'est réuni fin juillet, et je dois dire que je suis pas peu fier que l'administration judiciaire n'a duré que 2 mois. Je ne sais pas si beaucoup d'administrateurs judiciaires... réussissent à tenir leur mandat en 2 mois, entre mai, début mai et le 13 juillet, ça a été réglé. Alors il a fallu que l'administrateur judiciaire retrouve les membres fondateurs, dont l'un était mort, dont l'autre ne se rappelait même plus qu'il était membre fondateur. Et puis il fallait aussi que nous ayons la majorité pour que le camp du beau, du bien et du vrai, le nôtre, l'emporta. C'est ce qui s'est produit. Mais vous voyez à quel point c'était critique. D'autre part, les locaux appartiennent toujours à une société civile immobilière. Dont le gérant, alors qui était constitué par 8 personnes physiques sympathisantes, adhérentes de Radio Courtoisie, mais qui ne se rappelait même plus qu'elles étaient adhérentes, associées de la SCI. Mais il y avait un gérant qui était l'un des sycophantes et qui nous a demandé, qui nous a envoyé une assignation par voie d'huissier en février 2007 pour demander de déguerpir. C'est plus gênant. Alors, j'ai réussi. Alors d'abord, entre-temps, alors, si vous voulez que j'entre dans les détails techniques, il se trouve qu'il y avait un autre gérant, qui lui était dans le camp du beau, du bien et du vrai, qui était Didier Roy, mon ami Didier Roy, qui est mort sous mes yeux malheureusement, le 28 décembre 2011, et pour qui j'ai une pensée affectueuse, et pour sa femme Maggie, qui elle est bien vivante. Et donc Didier Roy était aussi gérant. Et alors, le sycophante en question... avait commis une erreur. C'est qu'avant de nous envoyer la signification, par voie d'huissier de déguerpir, il avait demandé à l'autre gérant, le bon Didier Roy, de se réunir avec lui dans ce qu'il appelait une réunion de gérance. Alors j'ai dit à Didier Roy, n'y va surtout pas. Et dans la nuit, j'ai rédigé un commoda. Savez-vous ce que c'est qu'un commoda ? Ah non, non, non, je connais le dragon de Commodo, mais un commoda... Le commoda, c'est un terme de droit romain, oui. qui existe dans le code civil, s'appelle le prêt à usage gratuit. Et comme dans les SCI et dans les statuts de cette SCI-là, chacun des gérants a tout pouvoir, bah Didier Roy a signé un commoda, un prêt à usage gratuit au profit de Radio Courtoisie que moi je représentais, qui nous donnait un droit positif de rester dans les lieux. Et donc, lorsque l'huissier s'est ramené, nous avons produit le commoda, et puis voilà. Et ensuite, alors évidemment, j'ai réuni l'Assemblée Générale de la SCI, nous avons viré ce type, ce sycophante, et tout est rentré dans l'ordre. Mais vous voyez un peu la difficulté que nous avons eue. Et ajouter d'autres difficultés graves que nous ne connaissons pas aujourd'hui, c'est que le fait que je n'avais pas la légitimité que j'ai aujourd'hui. Je dirige la radio comme président depuis 10 ans. Et je crois que, objectivement, on peut dire que je l'ai sauvé en 2006-2007, que depuis, nous l'avons ensemble développé. Eh bien, à l'époque, j'étais patron d'émission depuis 2003, pas le plus ancien, j'avais une émission d'une heure et demie toutes les 4 semaines. Je n'avais donc pas, si vous voulez, la légitimité ou l'autorité apparente, en dehors du fait que j'avais été désigné par Jean Ferret, j'avais... était élu par le conseil d'administration, qui entre parenthèses était un conseil d'administration qui juridiquement ne valait rien comme la suite l'a montré, mais donc qui était de facto le conseil d'administration, j'avais pas de l'autorité qu'il fallait. Donc j'étais beaucoup plus faible. Et alors à l'époque, le président de l'association, donc il n'était pas Jean Ferret, il s'appelait Christian Langlois. Mm-hmm. Christian Langlois, éminent membre de l'Institut, architecte qui a... s'est occupé du Sénat, très connu, que j'avais reçu d'ailleurs au Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, qui était un ami... était malheureusement mourant. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Il a estimé nécessaire de ne plus être président et de me laisser la place. D'accord. Alors je vais vous raconter une anecdote supplémentaire qui va montrer ce qui a pu se passer à l'époque pour montrer le style des sycophantes. Il a fait une lettre qu'il a envoyée aux membres du conseil d'administration. Oui. Pour leur dire, voilà, mon état de santé ne me permet plus de rester président de Radio Courtoisie. Je vous demande de constater ma démission, de prendre acte de ma démission et d'élire à ma place Henri de Lesquin. Bon. Et c'est ce qui s'est fait en janvier 2007, sachant que Christian Langlois est mort en août 2007, d'accord, quelques mois après. Et alors, il se trouve qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Ce qui veut dire que la signature qu'il avait faite était informe. N'est pas très belle. Voilà. Alors, imaginez un peu ce qui s'est produit, parce que cette lettre-là, évidemment, je l'ai distribuée au patron d'émission. Je l'ai mis dans le casier des patrons d'émission, y compris l'un des sycophantes qui était encore là. Et alors, à ce moment-là, est sortie une lettre anonyme disant « Henri de Lesquin a fait un faux en écriture, il a imité la signature de Christian Langlois ». Vous vous rendez compte ? Ce qui demande une certaine habileté, parce que c'est pas facile d'imiter une signature Parkinson. Donc justement, toute plaisanterie mise à part, la signature. Alors, l'auteur de cette lettre anonyme disait voilà, regardez la signature, voilà ce facsimilé de la lettre prêtée à Christian Langlois, regardez la signature qui est sur le site de l'Institut, vous voyez, c'est pas la même. Forcément, il y avait une Parkinson. Et donc, Henri de Lesquin a fait un faux en écriture. Bon. Alors j'ai réussi facilement à trouver qui était l'auteur de cette lettre anonyme, en faisant une véritable enquête policière d'ailleurs. D'abord les éléments d'information qui se trouvaient dans ce document qui était beaucoup plus, enfin qui portait sur beaucoup de choses, hein, pas seulement sur cette accusation calomnieuse, ne pouvaient venir que d'une seule personne. Deuxièmement, j'ai fait une recherche de lexique parce que cette lettre était très longue. Et il y avait des formules insolites. Et sur le sycophante en question avait... Avait du style. Non, il avait des formules particulières. Et donc, il avait un site internet, il a toujours sans doute un site internet, et j'ai fait une recherche avec Google Recherche Avancée, on peut faire une recherche sur un site particulier. De lexicographie. Et donc, j'ai démontré que les 10 expressions un peu insolites que j'avais trouvées étaient toutes dans le lexique de ce sycophante. Et ensuite, ce crétin n'avait pas maquillé les propriétés du fichier PDF qu'il avait fait circuler. Vous savez qu'un fichier PDF, il y a des propriétés. Ah, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Eh bien, on peut regarder les propriétés, et elles dépendent. Alors là, on savait que c'était un fichier PDF qui a été fabriqué sur un ordinateur Apple avec le logiciel Word de Microsoft. Et c'était exactement les mêmes propriétés que les autres documents PDF faits par ce même personnage. Donc c'était signé. Donc c'était lui. Donc je lui ai envoyé une lettre recommandée pour lui demander pour le mettre en demeure de retirer ses accusations calomnieuses, diffamatoires à mon égard et à l'égard de Christian Langlois. Et du coup, il a explosé en plein vol. Il a d'ailleurs démissionné en plein vol le jour même de son émission de Radio Courtoisie. Parallèlement, Françoise Icard, l'épouse de Christian Langlois, qui avait été scandalisée par cette accusation, a fait venir un huissier chez Christian Langlois, chez eux, pour qu'il constatât, prit acte du fait que cette lettre était bien de Christian Langlois. Donc il y a un constat d'huissier qui établit que c'est bien Christian Langlois qui est l'auteur de cette lettre. Vous voyez. Mais alors, ce que je dis ça, c'est pour vous montrer un peu la turpitude des sycophantes. C'est qu'une lettre anonyme actuellement circule contre moi qui reprend cette accusation. Ah bon? Elle resserre. C'est le même, d'ailleurs, c'est le même sycophante, ça ne fait absolument aucun doute. Alors lui, il est recuit dans sa haine, et 9 ans après, il ressort la même sauce diffamatoire et calomnieuse. Vous voyez à quel niveau on en est? D'accord. Alors, je dis ça un peu pour l'anecdote, oui, mais vous voyez que c'est quand même croustillant, si je puis dire. Pour aller plus dans le positif, tout de même. Alors justement, aujourd'hui, au point de vue financier, ça va mieux. Ça veut dire que c'est en équilibre, que je choisis, ça marche, ça a une dette correcte. C'est peut-être pas des choses à dire à la radio, mais moi, ça m'intéresse comme journaliste. Mais ça intéresse aussi les auditeurs. Le point important qu'il faut quand même rappeler inlassablement, cher Martin Pelletier, c'est que Radio Courtoisie est la seule radio au monde qui ne soit financée que par ses auditeurs. Il faut que je le répète d'ailleurs, Radio Courtoisie ne vit que des cotisations. Non mais vous pouvez rigoler, mais ce n'est pas drôle. Je ne rigole pas du tout. C'est très sérieux. Et alors, on m'a dit, mais non, telle radio, etc. À chaque fois qu'on m'a cité une radio, j'ai vérifié, et ils ont toujours... Alors les radios associatives sont très nombreuses, elles ont toutes un peu de recettes, évidemment, de dons ou de cotisations, mais elles sont financées par des subventions. Public, parfois privé. Aux États-Unis, par exemple, elles sont financées largement par des subventions des fondations. Oui. Et elles sont financées par des ressources publicitaires. Aux États-Unis, les radios de droite, qui sont nombreuses, les radios conservatrices, comme on dit là-bas, ont des ressources publicitaires importantes parce que les entreprises ne sont pas aussi tendancieuses qu'en France. Donc, si vous voulez, notre radio... C'est du 100%... Alors, si vous voulez, 99%, parce que nous avons est-ce que c'est 99% ou 101%? Parce que nous avons si j'ose dire, nous avons deux manifestations, par an. Une manifestation importante qui est la fête de la courtoisie. Alors, les gens qui n'ont pas cotisé peuvent entrer en payant 5 euros, ce qui n'est pas grand-chose quand même. Mais ce n'est pas vraiment équilibré. Les comptes sont légèrement déficitaires. Et de même, nous arrivons à peine à équilibrer la deuxième manifestation, qui est le repas d'anniversaire, où nous recevons 300 personnes en fonction de l'exiguïté des lieux où nous sommes. Et donc, et puis nous vendons quelques CD-ROM d'émissions. Et là, nous faisons une petite marge, pas grand-chose. Donc au total, je crois que ça doit être 98%, si vous voulez. Si on tient, en fait, c'est même pas, parce que si on tient compte du produit net, ce sont les recettes qui couvrent non seulement les recettes des dons et cotisations qui couvrent non seulement la radio elle-même, mais même le petit déficit qui peut résulter de la manifestation. Et donc rien ne vient de l'extérieur, c'est ça qu'il fallait. Ça vient des auditeurs, et ça nous fait notre liberté essentielle. Alors il faut bien comprendre, c'est essentiel, parce que si on est financé par l'État, les collectivités locales, c'est clair. Mais la publicité, moi je vous pose la question, je connais des hebdomadaires qui ont un peu de publicité et qui sont quand même assez libres, alors pourquoi pas du tout de publicité? Alors je crois que ce serait un leurre et que ça aurait beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est pour l'indépendance, c'est le plus évident. Je me rappelle, vous vous rappelez sans doute l'affaire du Figaro Magazine vers 1980, non ? Si, si, si. Vous vous souvenez ? Très, très bien. Le Figaro Magazine avait recruté des gens de talent, mais qui n'étaient pas très politiquement corrects. Et c'était Jacques Hersant à l'époque qui était propriétaire du Figaro Magazine, du Figaro. Et les publicitaires en question, les frères Gross, je crois, sont allés voir Hersant et lui ont dit « Mon vieux, ils ont dit « Monsieur le Président, peut-être, si vous ne virez pas tous ces gens-là, eh bien nous coupons les vivres, nous coupons la publicité. » Qu'a fait Hersant ? Il s'est mis au garde à vous, il a exécuté, il a viré de ces gens-là. Et Louis Powels a exécuté les ordres d'Hersant, qui exécutait lui-même les ordres des frères Gross. Voilà. Oui, alors ça c'est vrai pour les gros. Alors la deuxième chose. C'est bien entendu l'inconvénient éditorial qu'il y a à faire des coupures publicitaires. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que si on entre dans cette logique, on entre dans ce qu'on peut appeler le syndrome de Patrick Lelay. Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, qui avait dit un jour, le fond de sa pensée, nous vendons à Coca-Cola, par exemple, du temps de cerveau disponible. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en apparence, pour le téléspectateur de TF1, ce qui compte, c'est le film qu'il va voir, c'est le journal télévisé qu'il va voir. Mais en réalité, pour TF1, c'est l'inverse. Ce sont les coupures publicitaires uniquement qui lui importent. Le reste n'est qu'un vecteur de ces coupures publicitaires. Mes amis Payen Penzeller et Christaki Germain vont peut-être tiquer, mais je leur dis franchement, si j'étais financé par la publicité, même en partie, je ne pourrais pas faire d'émission de poésie. Parce que je sais très bien que la poésie, ça n'est pas ce qui maximise l'audimat. Évidemment. Comme vous parlez, quand maximiser l'audimat, si le petit cochon était là, il a été supprimé, ce serait comme un euro de... Non, le petit cochon est là, c'est vous qui n'avez pas mis sur la table, ce qui prouve que vous vous sentez coupable. Je n'ai pas fait de faute de franglais. L'audimat, c'est une société... C'est vrai. Ce n'est pas de l'anglais. Le cochon n'est que pour l'anglais. Le cochon n'est que pour l'anglais. Il n'est pas pour toutes les fautes de français. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est l'absence totale de toute publicité qui nous permet de toute ressource publicitaire. Parce qu'attention, nous passons notre temps à faire de la publicité au bon sens du terme. Quand j'invite Evelyne Josselin qui a fait un livre sur Trump, je fais de la publicité pour son livre. Mais je n'en tire aucun bénéfice et la radio n'en tire aucun bénéfice. Sinon, publicité gratuite. Voilà. Et attendez. Quand nous parlons d'un livre, quand nous parlons d'une exposition, nous faisons une publicité au bon sens du terme, mais sans aucune ressource publicitaire. Aucune contrepartie. C'est ça qui nous fait... Qui nous sommes indépendants. D'accord. Alors ça, c'est pour la solidité financière et l'indépendance financière de l'édifice Radio Courtoisie. Et maintenant, la situation juridique et, comment dirais-je, administrative, qui était assez désordonnée à l'époque, elle est verrouillée, elle est claire. Elle est blindée, elle est claire, elle est parfaite, je peux vous dire. Le 13 juillet 2007... L'administrateur judiciaire nous a réunis, nous avons reconstitué le conseil d'administration. Depuis, d'abord nous avons modifié les statuts étaient déjà blindés, mais là ils sont super blindés. C'est-à-dire qu'aucune OPA extérieure n'a la moindre chance de réussir. Je me suis occupé, alors en fait nous avons des membres adhérents ordinaires, mais ceux qui ont le droit de vote sont les membres titulaires, ils sont 12. Triés sur le volet par votre serviteur. Oula ! Un conseil d'administration de 6 personnes triés sur le volet par votre serviteur. Aujourd'hui, des statuts écrits par votre serviteur qui sont blindés. Tout est verrouillé, blindé, et les statuts sont parfaitement respectés. Donc du point de vue juridique, c'est vraiment... Nous sommes invulnérables. Bunkerisés, ce n'est pas beaucoup l'expression. Non, nous sommes solides. Aucune tentative d'agression extérieure, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, Martin Pelletier, c'est que notre radio, notre chère radio, Radio Courtoisie, qui fait tant pour la France, qui fait tant pour la civilisation occidentale, qui est si importante... Eh bien, et pour cette raison, l'objet d'une vindicte particulière depuis toujours. Et alors là, vous évoquiez en termes un peu cryptés la nouvelle cabale qui a lieu contre nous, qui est donc vouée à un échec dérisoire, bien entendu. Mais elle est la façon dont la vindicte s'exprime contre notre chère radio. Qui a trouvé, malheureusement, des complices à l'intérieur, comme des sycophantes à l'intérieur, comme en 2006-2007. Voilà, il y a eu une poignée de félons et en 2006-2007, comme en 2016, une poignée de félons qu'il a fallu écarter. Voilà. Et tout est rentré dans l'ordre. Alors maintenant, je dirais, donc il n'y a pas le moindre danger à Radio Courtoisie. Le danger, il y a toujours un danger. Le danger, ce serait que les auditeurs n'aiment plus Radio Courtoisie. Oui, c'est pour ça que Martin Pelletier, je compte sur vous. Non, mais là, je voulais en venir. Les auditeurs réagissent comment ? Ils réagissent bien, ils suivent la radio actuellement. Parce que, vous savez, un producteur d'émission n'est responsable que de son émission. Il n'y a pas de producteur d'émission, je vous interromps. Un patron d'émission. Radio Courtoisie, non, je ne peux pas vous laisser dire producteur. Radio Courtoisie édite, produit et réalise toutes ses émissions. Entendu. J'allais dire OK, mais je te dis entendu. Alors, donc les patrons d'émission, ils sont un petit peu chacun chez soi, donc surtout quand ils habitent en province. Donc, on ne sait pas toujours comment réagit l'auditeur, s'il suit, et si justement il y a quelque chose qui est fait pour l'entraîner à la rentrée. Il va y avoir des nouvelles grilles, il y a un plan de développement. Parce qu'il y a une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est Internet. Parce que l'autorisation des maîtres, elle est tout de même... Permettez-moi d'insister d'abord sur la grille de programme. Oui. La grille de programme, le principe de Radio Courtoisie, c'est qu'elle est essentiellement une radio d'émission parlée, comme la vôtre, mais qu'il y a à côté de la musique. Alors, nous sommes aujourd'hui arrivés à l'équilibre final, trois quarts, un quart. Trois quarts d'émissions parlées, 77% exactement, 23% d'émissions musicales. Et il y a eu beaucoup de changements. Alors, les émissions parlées, il y a eu des changements évidemment dans les patrons d'émissions, un renouvellement normal a peu accéléré à cause de la cabale, mais qui ne soulève pas vraiment de difficultés. Sauf qu'évidemment, un nouveau patron d'émission, il a besoin de prendre l'habitude de ses émissions, je ne dis pas de se former, mais disons d'avoir des heures de vol. Prendre ses marques. De prendre ses marques. Tout le monde n'est pas aussi doué que vous, Martin Pelletier, mais vous êtes un exemple. Tout flatteur vit au dépend de celui qui mais oui, avec délectation. Alors, qu'avons-nous changé récemment ? Ce que nous avons changé le plus récemment, c'est ce que je peux appeler la généralisation du livre journal de la nuit. Oui. Car en 2007, donc j'ai succédé à Jean Ferret, je le répète, le 5 août 2006, mais jusqu'en janvier 2007, il n'y avait pas de livre journal de la nuit. Et aujourd'hui, alors nous avons créé d'abord le mercredi, puis le mardi, le mercredi, et maintenant le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc aujourd'hui, nous avons le livre journal de la nuit, qui est dure 1h30, de 21h30 à 23h, et qui est en direct, en tout cas en première diffusion s'il est préenregistré, le mardi à 21h30, mercredi, jeudi, et rediffusé trois jours après. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a que le lundi où il n'y a pas de livre journal de la nuit. Là, il y a une soirée musicale qui dure jusqu'à minuit, de 21h ou 21h15 quand il y a le bulletin de réinformation, et jusqu'à minuit. Donc ça a été une augmentation du nombre d'émissions parlées, qui, je crois, répond... À la demande et à la vocation de Radio Courtoisie. Bien que... Alors, ce que nous avons aussi changé, parlons des émissions musicales. Nous sommes essentiellement une radio de musique classique. Nous sommes une radio musicale aussi. Une radio de musique classique, mais pas seulement. Et aujourd'hui, nous avons, sauf le dimanche, nous avons tous les jours, sauf le dimanche, de 15h à 16h, nous avons ce que j'ai tendance à appeler la musique populaire identitaire. Mais je ne sais pas si cette expression ne vous paraît pas un peu jargonnante. Mais c'est pas ça, ça ressemble à quoi ? Je vais vous demander de chanter, mais si peut-être. les deux premières sont presque de la musique classique. C'est-à-dire que le mardi à 15h, donc ça dure une heure à chaque fois, chaque jour, le mardi à 15h, nous avons valse et musique de danse. Faut que ça danse. Le mardi à 15h, nous avons la belle émission de Philippe Maurice, Musique lyrique française. Belle émission qui est donc c'est de l'opérette ou de l'opéra, mais plutôt de l'opérette. Mais Philippe Maurice va chercher, retrouver des enregistrements inédits, inconnus, etc., sur toutes sortes d'opérettes. Mais c'est de la musique lyrique, donc d'opérette. Le mercredi, tenez-vous bien, mais vous devriez écouter davantage Radio Courtoisie, cher Martin Pelletier. Parce que je le fais. Le mercredi à 15h, nous avons accordéon, bal musette et danse populaire. Ah oui. Eh oui. Hein, c'est bien, hein, ça fait danser ça aussi. La Java. Il y a Java. La Java, hein, c'est bien. Ben... Mais j'ai demandé aussi qu'on mette un peu de gigue écossaise ou gigue irlandaise. Bon. Le jeudi, c'est musique de cinéma. D'accord. À 15h. Parce que la musique de cinéma, pour moi, c'est un... Au fond, c'est un intermédiaire ou une propédeutique pour apprendre à aimer la musique classique. Il me semble. Le vendredi, alors là, tenez-vous bien encore, cher Martin Pelletier, vous devriez écouter davantage Radio Courtoisie, je encore me répète. Plus. Nous avons marche, fanfare et musique militaire. Ah diable, ça c'est le jour de Chirac alors. Nous sommes, je pense, la seule radio qui fait une émission de musique militaire. Hein ? Et voilà, et je vous conseille de l'écouter. Le samedi à 15h, nous avons l'émission... de Pierson ou Bouzard, qui s'appelle Chants traditionnels de France et d'Europe. Voilà. D'accord. Et le samedi, son image biblique d'Edith Weber, mais là, c'est de la musique classique. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est une nouveauté, parce qu'auparavant, c'était de la musique classique que nous diffusions tous les jours, et là, j'ai voulu contribuer à la connaissance et à... La diversification. Oui, et puis, mon idée, c'est aussi que... Il faut concurrencer la musique populaire importée, non identitaire, qui fait beaucoup de mal à notre identité, et donc favoriser le retour en grâce de la musique populaire identitaire. Alors ça c'est la musique. Ça c'est la musique. Bon alors j'ai parlé de des livres au journal de la nuit, et donc toute la grille de programme a été remaniée à la suite de cela, récemment, ça vient de se faire. Hein. Donc, alors je pense que maintenant la grille de programme est stabilisée, puisqu'elle est, à mes yeux, optimale quasiment, sous réserve bien entendu des changements de titulaires qui peuvent se survenir, ou des changements d'émission. Alors j'ai également, je m'efforce, mais j'ai du mal à y arriver... Une politique, alors là c'est encore plus jargonnant, dite d'harmonisation des modules. Harmonisation des modules, mais ça c'est chiqué, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que, alors il faut savoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que nos émissions se succèdent selon un cycle de 4 semaines A, B, C, D. D'accord. Le mois est une unité de temps qui est inconnue à Radio Courtoisie. Ici on est en C, si mes souvenirs sont bons. Ouais, nous sommes en C et la semaine prochaine en D. Et d'accord. Après la semaine D, c'est une semaine A. Ah, mais vous avez un QI supérieur à la moyenne. Vachement. Et donc actuellement, nous sommes en semaine C. Vous faites le livre au journal de la résistance française en semaine C, Martin Pelletier. Et donc, l'idée, c'est que les 4 émissions qui se succèdent le même jour à la même heure, par exemple le mercredi à 18h, mais c'est le mercredi à midi aussi, doivent avoir un air de ressemblance. Alors évidemment, vous, les 4 émissions portent le même nom, et donc elles sont, c'est le livre journal de la résistance française, et elles sont, disons, dans la postérité de Serge Le Bekech. D'accord. Mais je m'efforce, par exemple, d'avoir des émissions, disons, plutôt économiques ou libéralo-économiques le mercredi à midi, vous voyez, par exemple. Et donc, ça rend plus difficile de reconstituer la grille quand il y a des changements, mais je pense que c'est mieux pour que les auditeurs s'y retrouvent plus facilement. Ils savent que le mercredi à midi sera plutôt de tel style, plutôt libéral qu'antilibéral, vous voyez. D'accord. Peut-être que le mercredi soir, ils entendront plutôt un message antilibéral, mais le mercredi à midi sera plutôt libéral. C'est une question d'habitude. C'est exactement comme dans un journal, il faut des habitudes de lecture. Alors exactement, j'essaie de les créer, et ça s'appelle la politique d'harmonisation des modules. Mais alors, le point important, justement, au passage, je le signale, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous devez comprendre que votre radio, elle est diverse par nature. Elle est diverse parce qu'elle n'a pas de ligne éditoriale, elle a des principes, mais elle n'a pas de ligne. Ses grands principes, c'est de respecter, c'est d'aimer la France, son passé, de vouloir son avenir... d'aimer ses traditions, d'être attaché à la défense et à la promotion de la civilisation occidentale et chrétienne, ce qui n'implique pas qu'on soit une grenouille de vénité, ni même qu'on soit chrétien, hein, mais il faut au moins avoir de la sympathie pour la civilisation occidentale et chrétienne. En dehors de cela, pas de ligne éditoriale, Les patrons d'émission sont divers et variés, représentent différentes tendances. Alors, on dit toutes les droites, mais oui. Mais j'allais vous demander justement, tout de même, c'est une radio des droites, puisque, enfin, il me semble. Et comment Radio Courtoisie se situe-t-elle dans la recomposition politique qui peut avoir lieu vis-à-vis du FN et des autres droites? Mais c'est dramatique ce que vous dites, elle ne se situe pas. Elle n'a pas à se situer. C'est une radio. La radio est elle-même globalement indépendante, mais elle est doublement indépendante. Elle est indépendante parce qu'elle ne dépend de personne, elle est financée uniquement par les auditeurs. Elle est indépendante parce que le patron d'émission, une fois que je l'ai nommé, moi, président de Radio Courtoisie, il est libre. Il est patron, il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Il a tout pouvoir dans son émission. Moi, je ne vous donne aucune instruction, aucune consigne. Surveillez tout de même. Alors je vous supplie respectueusement de respecter la langue française. Vous avez tellement peu de sens de l'obéissance à cet égard que vous n'avez même pas mis le cochon sur la table. Le cochon n'est pas sur la table. Mais alors justement, pour moi, ce qui est très important, c'est cette notion de liberté. Et je pense qu'elle est toujours forcément surveillée, parce que dans un état de droit comme le nôtre, tout est surveillé. Je veux qu'on parle de liberté de presse et de censure. Ce point est très important. L'enjeu capital. Nous sommes obéissants à la loi. Nous sommes d'ailleurs obligés de le faire, mais nous n'avons aucune envie d'essayer une insurrection contre la loi. Nous sommes très respectueux de la loi. Et moi, je suis très respectueux de la loi, même quand je trouve que les lois sont scélérates. Je trouve que la loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, qui a créé le délit d'incitation à la haine raciale, d'incitation à la discrimination raciale, est une loi scélérate qui a porté atteinte à la liberté d'expression gravement. D'ailleurs, je vais même jusqu'à dire, mais là, c'est politique ce que je dis, je sors un petit peu de ma casquette de patron d'émission d'Andy Courtoisie, mais à peine, que nous sommes passés de l'État républicain à l'État cosmopolite par cette loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, votée sous un gouvernement de droite, hein, à l'époque de Pompidou. Hein. Dit de droite, oui. Dit de droite. Bon, mais cette loi existe et nous la respectons. Bien. Alors, nous subissons deux censures. La première censure, c'est la censure pénale des tribunaux. Cette censure pénale des tribunaux, elle s'applique à tous les organes de presse, à tous les médias, en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais à vrai dire à tous les propos publics. À tout propos tenu en public est subi la censure des tribunaux, qui était acceptable jusqu'à cette loi du 1er juillet 1972, mais qui maintenant ne l'est plus, parce qu'on a maintenant, on arrive à une vingtaine de chef de discrimination ou d'incitation à la discrimination qui peut vous faire tomber sous le coup de la loi. Par exemple, maintenant, l'incitation à la discrimination selon le lieu de résidence est un délit. Si vous dites « je préfère recruter des gens des Yvelines plutôt que des gens de Seine-Saint-Denis », on se demande paf, pourquoi. Paf, paf, paf, délit. Qui est un délit qui est théoriquement passible de 2 ans ou 5 ans de prison. Enfin, c'est une folie, quoi. Bon. Mais nous subissons cette censure de par la loi. Et vous savez bien que nous sommes... Vous êtes bien placé pour savoir, je ne rappellerai pas des souvenirs cuisants, que nous sommes très attentifs à cela. Non, ne rappelez pas. Très attentifs à cela. Ah, vous voyez qu'il y a une censure, oui, non, même bon, à la radio. Ouais, non, mais bon, soyons discrets. que nous sommes très attentifs à cela, mais il y a une deuxième censure. Oui. Qui est la censure administrative du CSA. Qui est importante. Qui va au-delà de la censure pénale. Le CSA, bien sûr, peut prendre une sanction administrative lorsqu'une radio ou une télévision... tient à une radio, une télévision des propos qui sont contraires à la loi pénale. La sanction administrative s'ajoute à ce moment-là à la censure pénale éventuelle. Et d'ailleurs, il est censé, lui, CSA, dans ce cas-là, saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui dit qu'on est tenu, lorsqu'on a connaissance d'un crime ou d'un délit, de saisir le parquet, le procureur de la République. Mais il y a une censure administrative qui va au-delà. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que ça s'est appliqué à moi, en particulier, à votre serviteur. Je crois que c'était le 21... non, pas le 21, mais c'était... Enfin, c'était en mai 2013, juste après la mort de Dominique Vénère. Oui. J'ai donc fait une émission d'une heure et demie en hommage à Dominique Vénère. Et au cours de cette émission, j'ai dit deux choses qui ont été censurées par le CSA. Première, j'ai dit... le mariage homosexuel est abject et contre nature. On ne peut pas laisser dire ça. Je ne vous laisserai pas dire ça. Alors, le CSA... Alors, il se trouve que j'avais bien pris des précautions avant, en disant que je ne parle que de l'institution du mariage, pour ce qui est de l'homosexualité, chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. Moi, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas prêtre, je n'ai pas de jugement moral à porter. Chacun fait ce qu'il veut, je respecte l'inclination morale de chacun et la pratique intime de chacun. Ça ne me regarde pas. En revanche, lorsque je parle du mariage, c'est une institution. Et là, je dis, bon, comme j'avais pris des précautions, qui d'ailleurs représentaient le fond de ma pensée, le CSA n'a pas pu dire que j'appelais, que j'encourageais la discrimination. Donc, il a dit, oui, mais Aurèle Desquin, dans ses propos, il n'a pas respecté l'obligation de pluralisme qui figure dans la convention qui lui a été imposée, qui a été imposée à Radio Courtoisie, puisqu'il a dit, le mariage homosexuel est abjecté contre nature, et personne au cours de son émission ne l'a contredit. C'est pour ça que je vous contredis. Mais alors, sur ce plan, j'ai gagné parce que j'ai fait un procès devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État m'a donné raison. Il a créé une jurisprudence, ça figure dans le rapport, je ne sais plus comment il s'appelle, le recueil Lebon, des grands arrêts de jurisprudence administrative. Donc il y a une jurisprudence de l'Esquin, en quelque sorte, qui dit, voilà, non. Ce que j'ai apprécié, si vous voulez, c'est que c'est moi, en fait, qui ai fait le mémoire pour le Conseil d'État. Le commissaire du gouvernement, qui maintenant s'appelle le rapporteur public, a repris mes termes. J'étais très fier. En disant, ah non, il faut distinguer. Effectivement, la loi dit au CSA, la loi de 1986 qui a créé le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit qu'il doit faire respecter le pluralisme. Mais attention, c'est le pluralisme externe. Il peut à la rigueur demander une grande radio, une grosse radio généraliste, de respecter le pluralisme parce qu'elle est généraliste. Mais une radio d'opinion, comme Radio Courtoisie, on ne peut pas lui demander, dans chaque émission, d'exprimer une opinion et son contraire. On ne peut pas demander, alors je vais citer des radios concurrentes, si j'ose dire, qu'elles n'ont pas vraiment de concurrentes, on ne peut pas demander à Radio Libertaire, organe de la Fédération anarchiste, de faire l'éloge de la propriété. On ne peut pas demander à Radio Notre-Dame, qui est censée être une radio catholique, en tout cas chrétienne, de faire l'éloge de l'athéisme. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc on peut demander à Radio Courtoisie. Le CSA ne peut pas nous imposer le pluralisme interne. Mais il doit, lui, respecter le pluralisme externe. Entre parenthèses, ce point est très important, parce que si le CSA respectait vraiment le pluralisme externe, sachant que nous sommes une radio culturelle associative, que nous défendons la langue française, il viendrait nous supplier de nous présenter partout, pour que nous soyons partout diffusés. Or, au contraire, depuis 1991, il nous a refusé à chaque fois les dizaines de demandes que nous avons faites d'être émis en province, d'être diffusés en province. Sous quel prétexte, d'ailleurs, aucun prétexte, c'est-à-dire que... Il est le souverain, il n'a pas à se justifier. J'ai fait des procès, mais que j'ai perdu, parce que le Conseil d'État a dit, mais non, le CSA fait ce qu'il veut. Ouais. Le CSA dit, voilà, j'ai 10 places ou 20 places... Eh ben, je trouve que Radio Courtoisie est moins bien que les 20 que j'ai choisis. Et le pire a été atteint il y a 2 ans, il y a 3 ans, lorsque pour la RNT, la radio numérique terrestre, après nous avoir accepté à Paris, et on peut écouter Radio Courtoisie en DAB+, donc en radio numérique terrestre à Paris, c'est très bien, mais il nous a refusé à Marseille et à Nice. Alors même que les radios publiques, comme France Inter, les radios commerciales, comme RTL, avaient refusé d'entrer dans la concurrence. Donc il y avait théoriquement de la place. Oui. Et donc, pour nous évincer, le CSA a donné une autorisation d'émettre à des radios improbables, enfin, totalement fantomatiques, qui n'existaient pas. Et c'est tout à fait scandaleux. Bon. Et donc, le CSA ne respecte pas le pluralisme externe. Mais cette jurisprudence du Conseil d'État... élimine l'obligation de pluralisme interne que le CSA prétendait nous imposer. Et maintenant, nous échappons à ce pluralisme interne. Ça, c'est très important. Nous sommes une radio d'opinion. C'était une victoire, ça. C'est une victoire jurisprudentielle. Voilà. En revanche, nous avons subi une défaite jurisprudentielle, mais qui est importante sur le plan, justement, du droit. C'est que j'avais dit, c'était la deuxième chose qui m'était reprochée, dans la même émission, j'avais dit, l'ISLA, écoutez bien, vous allez être très choqués. J'avais dit, donc en 2013, l'islam est incompatible avec l'identité nationale de la France. Ah, je ne peux pas vous laisser dire ça, mon antenne. Et donc, le CSA a dit que c'est un encouragement à la discrimination. Ouais. Mais non pas une incitation à la discrimination au sens de la loi pénale. Le CSA était d'accord pour dire que ce n'était pas pénal. À quel sens alors ? au sens plus large, encouragement à la discrimination, qui va au-delà du sens pénal de la situation de discrimination. Donc, le CSA disait, ça n'est pas pénal, mais moi, au titre des obligations que j'impose à Radio Courtoisie, je dis qu'on n'a pas le droit de dire que l'islam est incompatible avec l'identité nationale de la France. Alors, j'ai donc fait un procès, et honnêtement, écoutez, le Conseil d'État n'a pas été à la hauteur, et je suis poli. Pourquoi ? Parce que j'avais un argument en béton. Je dis, écoutez, nous avons une loi, la loi de 1986 qui a créé le CSA, qui s'appelle Loi sur la liberté de communication. Ouais. Article 1er. Et la communication par voie électronique est libre, avec des exceptions qui sont, aujourd'hui, dans la loi de 1986, qui sont énumérées de façon limitative. D'accord. Bon, la seule exception qu'on pouvait invoquer dans notre cas, c'était l'ordre public. Et j'ai dit, écoutez, en matière de liberté d'expression, l'ordre public doit s'entendre de manière restreinte. Dès lors que les propos que j'ai tenus ne sont pas contraires à la loi pénale, ils ne peuvent pas être contraires à l'ordre public. Le Conseil d'État n'a même pas tenu compte de cet argument et a acté le fait que la censure administrative s'exerçait au-delà. Donc, si vous voulez, c'est un arrêt de jurisprudence important, puisqu'il a acté l'abolition du pluralisme interne, qui était imposé, mais en revanche, il a reconnu que le CSA avait une vocation de censure administrative qui allait au-delà de la censure pénale. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, j'en arrive au reste. Ah, non, je vais vous relancer dans deux secondes. Il est 18h46. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. La résistance française. De la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Et je reçois ce soir Henri de Lesquin à plusieurs titres. Et notamment, on va finir avec sa première casquette sur le développement de Radio Courtoisie et les problèmes qu'il peut rencontrer. On a parlé de la liberté de penser et vous avez énuméré deux censures qui s'exercent. Par la loi. La loi et de par la loi, la censure pénale et la censure administrative. Moi, j'en vois au moins deux autres. C'est l'autocensure, ça c'est pas la loi, mais c'est le fait. Et puis, ce que j'appellerais une censure reflet, c'est-à-dire que la peur de la censure peut amener, ou injustifiée, peut amener les responsables à censurer. Donc ces deux censures sont importantes. Le point important, si vous voulez, le point essentiel, c'est qu'il est hors de question. Il faudra même passer une épée à travers le corps pour accepter l'idée que l'on puisse ajouter une censure du troisième type aux deux censures que nous subissons de par la loi. Nous subissons la censure pénale des tribunaux, nous subissons la censure administrative du CSA, il est hors de question d'ajouter une censure du troisième type. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous, dans vos propos à l'antenne, vous ne subirez pas de censure de troisième type. On ne dira pas que des propos qui sont conformes à la loi sont interdits à Radio Courtoisie. Voilà, ça c'est clair. Sauf évidemment si c'est pour dire que vous n'aimez pas Radio Courtoisie, que Radio Courtoisie. Alors ça, c'est tout à fait contraire au principe de déontologie courtoise qui doit tous nous animer. Mais voilà, donc c'est exclu et il est hors de question d'accepter une censure du troisième type. Alors j'ajoute que, parce que la cabale dont nous parlions tout à l'heure, que vous évoquiez, elle va encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle prétend que les membres de Radio Courtoisie, c'est-à-dire non seulement les patrons d'émission, ou les dirigeants de Radio Courtoisie, c'est-à-dire le président, le secrétaire général, le trésorier, pourraient engager la radio ou la mettre en cause par des propos tenus ailleurs qu'à la radio. Mais c'est complètement débile. C'est contraire à l'essence. Dire que des propos qui sont tenus ailleurs, il faut bien comprendre que moi, quand j'écris sur mon compte Twitter personnel ou sur mon compte personnel, sur mon site personnel lesquin2017.com, que j'invite d'ailleurs accessoirement au passage. Et un peu de publicité ne fait pas de mal. Les auditeurs de Radio Courtoisie à visiter, mais ce sont mes opinions personnel, ou alors, parce que je mets sur ce site aussi des textes qui ne sont pas de moi. Hein. Bon, j'ai mis un texte en ligne de Carl Schmitt. Bon, c'est pas de vous. C'est pas de moi, c'est de Carl Schmitt. Bon, il n'est pas signeur, il est l'esquin. Bon, passons. Et donc, il est hors de question de considérer un seul instant, quelle que soit la propagande des sycophantes de la cabale. En fait, d'ailleurs, il y a deux cabales. Il faudrait que j'entre dans ce détail. C'est peut-être pas la peine. Il faut peut-être pas trop remuer ces choses-là. Alors, mais il est hors de question de considérer que qui que ce soit. Alors, le principe de la radio aussi, mais depuis toujours, c'est que les membres de la radio, et quand je dis membres, c'est au sens large, patron d'émission ou dirigeant, ne sont engagés absolument pas par les propos tenus par les ailleurs. Autres, mais même à l'antenne, parce que c'est les patrons de l'émission sont indépendants. Vous pouvez dire ce que vous voulez, du moment que ça ne tombe pas sous le coup des censures pénales ou administratives, ça ne regarde en aucun cas votre serviteur Henri de Lescam, bien que je sois président de la radio, bien que je sois président administratif de la radio, je devrais dire d'ailleurs, et pour être plus clair, et bien que je sois patron d'émission comme vous. Donc, il est hors de question de considérer que nous soyons impliqué par les propos tenus par les autres membres de Radio Courtoisie. Cela s'applique à tous, à vous comme à moi. Ce n'est pas parce que je suis président que ça change quoi que ce soit. Absolument. De même qu'on supporte tout à fait de travailler dans une radio, moi personnellement, où travaillent aussi des repris de justice qui ont été condamnés. Non, j'ai repris de justice, c'est pour faire un bon mot. Des gens qui sont condamnés pour quelque chose peuvent très bien continuer à travailler à la radio et voilà. Quel exemple Oh ben bon, mais je ne veux pas faire de nom, mais il y a des gens qui ont été condamnés au titre d'ailleurs d'une de ces lois qui sont scandaleuses et scélérates. Et donc. Ah ben non, voilà. Mais si c'est une condamnation pour un procès, pour un délit d'opinion, voilà. Là, je dirais que c'est presque une décoration. Exactement. Ah non, c'est presque une décoration. Et donc, non, mais c'est ça qu'il faut surtout affirmer, c'est cette liberté d'abord de dire ce qu'on veut, et puis ensuite, justement, le fait qu'on ne doit pas. Moi, je ne me formalise pas du fait que tel ou tel patron a été condamné pour tel ou tel délit d'opinion. Voilà. J'accepte de travailler. Je ne connais pas d'exemple, moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais. Moi j'en connais, mais je ne donnerai pas de nom. Voilà. Mais si c'est pour un délit d'opinion, encore une fois. Ah non, attendez, alors moi je vais vous donner un exemple avec un nom. Un nom. Ça c'est vilain de donner des noms. Non, je vais vous donner un nom. Parce que ce gars-là, il s'est permis de me traîner dans la boue publiquement. Il s'agit de Paul-Marie Couteau. Paul-Marie Couteau a été condamné en 2014, pour des faits de 2014, pour incitation à la haine raciale, après avoir demandé que les Romanichels fussent enfermés dans des camps. Ses propos étaient objectivement odieux. Odieux. Demander que des gens d'une catégorie sociale soient enfermés dans des camps, il disait même concentrés dans des camps. Donc c'était à la fois provocateur, ridicule et odieux. Et à l'époque, je ne lui ai fait aucune observation, bien que je considérasse que c'était odieux. Mais c'était des propos qu'il n'avait pas tenus à l'antenne de Radio Courtoisie, heureusement, qu'il avait tenus sur son blog de campagne, parce qu'il était candidat aux élections municipales pour le Front National à l'époque. J'ai respecté la liberté totale de ce patron d'émission, mais qui ensuite s'est répandu en propos, pas désobligeants, calomnieux et diffamatoires à mon égard, en disant que je tenais des propos racistes au sens de la loi pénale, justement, comme s'il appelait à la délation contre moi. C'était insupportable, et donc je rappelle qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Alors, je pense qu'il n'aurait pas dû être condamné, parce que cette loi ne devrait pas exister. Mais cette loi existe, et il avait tenu des propos odieux. Ben, je ne lui avais fait aucune observation à l'époque. Fin de commentaire sur ce triste personnage. Oui, il faut pas. Voilà, il y a des questions des auditeurs, dont une que je n'arrive pas à lire, donc je ne la lirai pas. Quels sont les jours et les heures où Radio Courtoisie est la plus écoutée? Avez-vous des chiffres? La Radio Courtoisie, les chiffres que j'avais datés un peu, c'était 600 000 auditeurs en cumulé dans la semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà. Hein, nous sommes au-delà. Alors, l'audimat, si je puis m'exprimer ainsi, augmente d'après les éléments que nous avons jusqu'à 18h. Mmh. Et il baisse partir de 20h à cause de la concurrence, hélas, des journaux télévisés qui sont pourtant beaucoup moins intéressants que Radio Courtoisie. Et il baisse jusqu'à la nuit et il recommence à monter à partir de 7h du matin. Alors il y a une pointe tôt le matin. Oui, le matin, c'est toujours très bon. Quand les gens se lèvent. Les matinales sont toujours bonnes voilà. En radio en général. Alors là, j'ai un hommage à Henri de Lescun qui est un vrai savant. Merci. Car sans lui, Radio Courtoisie n'existerait pas. N'existerait plus. Je ne suis pas fondateur de Radio Courtoisie. Je voudrais rendre hommage quand même au fondateur, c'est-à-dire à Jean Ferret et à Serge de Beckett. Ouais. Et alors maintenant, une annonce encore. Une annonce de conférence. C'est des annonces. Hein, de conférence commémorative. In memoriam du chat d'Iran, Orient, Perse et Occident gréco-latin. Destin parlé, les regards croisés face à la barbarie et la terreur, mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin, 75016 Paris, samedi 30 juillet 2016, de 16 à 19h. Voilà pour les tout renseignements. Téléphone et fax 01 40 25 06 55, 01 40 25 06 55. Alors maintenant, Henri de Lesquin, j'aimerais vous poser des questions à d'autres titres, parce que vous n'êtes pas seulement président de Radio Courtoisie, mais vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle. Vous avez un site... Mais c'est une chose qui vous a été reprochée. Donc pourquoi il faut... Mais c'est une chose que j'ai entendu vous reprocher. C'est moi qui pose les questions ici. Mais alors justement, la question est, pourquoi êtes-vous candidat? Qu'est-ce que vous attendez de cette candidature? Je ne pense pas que vous soyez persuadé que vous allez être élu, parce que ce sera François Hollande qui sera élu, donc ça ne sera pas vous. Donc quel est le sens de votre candidature à l'élection présidentielle? Alors, non seulement il y a peu de chances que je sois élu, effectivement, mais il y a même relativement peu de chances que je réussisse à avoir les 500 signatures. C'est extrêmement difficile. C'est très dur, ça a été fait pour ça d'ailleurs. Il faut d'ailleurs, si on veut avoir les 500 signatures, si on n'est pas soutenu par un gros parti, on peut avoir les 500 signatures avec un petit parti, mais il faut avoir, disons, 200 militants qui ne font que ça pendant 6 mois. Ils font le tour de tous les maires pour recueillir des signatures. Et il faut dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour arroser les maires de publications diverses, pour les persuader qu'on est le bon candidat. Alors en fait, l'histoire est la suivante. Moi, j'ai créé un compte Twitter en octobre 2014. Et Twitter, ça convient parfaitement à mon genre d'esprit. J'adore ça. J'adore les formules lapidaires. Vous savez que le principe de Twitter, c'est qu'on est limité à 140 signes. Mm-hmm. Donc j'adore ça. Et je me suis mis à en faire beaucoup, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, parce que mon premier compte Twitter a été fermé à la demande de la Licracra. Pourquoi ? Parce que j'avais tenu des propos qui ne plaisaient pas à la Licracra. C'est une date. Alors, d'ailleurs, à mon avis, la société Twitter a bien eu tort, parce que elle a porté atteinte à son image, qui était une image de liberté par rapport à Facebook. Et elle a cédé. Alors, mon compte n'a pas été fermé, il a été bloqué en France. Enfin, ça revient même. Oui. Il existe toujours, mais il faut aller au Canada pour pouvoir le consulter. Donc, c'est pas très pratique. Mais en Belgique, ça doit être possible. Au Sénégal. Au Sénégal, ça marche, ouais. Bon. Alors, j'en ai créé un second, @HLESQUEN. Mais alors, depuis octobre 2014, j'ai dû, entre les tweets, les messages Twitter, les billets de Twitter que j'ai fait moi-même et ceux que j'ai rediffusés, je vais en être à 17 000. 17 000, mais vous êtes prolixe. Je suis prolixe, ouais. Je suis prolixe parce que dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, paf, 140 signes. Aïe. Alors qu'est-ce que vous dites dans ces messages? Toutes sortes de choses, surtout tous les sujets qui me paraissent intéressants. Je dis par exemple qu'il faut rétablir la peine de mort. Tiens, quand il y a et puis j'ai trouvé une formule, parce que c'est quand même un peu frustrant de fonctionner avec 140 signes. Donc j'ai trouvé une formule qui consiste à faire des analyses en 10 points. C'est-à-dire, je 14 dis, signes chacun alors. 140 signes chacun. C'est-à-dire je commence par un premier tweet, si vous me permettez cet anglicisme, un premier tweet. Billet qui est ceci. Je prends un exemple. Voici une analyse en 10 points. Voici 10 propositions pour régler le problème de l'immigration. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et puis plus une conclusion. Voilà. Mmh. Et ensuite, alors, il se trouve que... Donc j'ai commencé comme cela, et puis arrive le 1er avril 2015. Mmh. Et là, je vois un poisson d'avril, apparaît un compte mystérieux, @lesquin2017. Je rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que mon nom s'écrit sans I. Ce n'est pas comme l'aéroport de Léquin, près de Lille. C'est L-E-S-Q-U-E-N, Ernest Noémie. Et Henri aussi est sans I. Hein. Mon nom, Henri de Lesquin, ne comporte aucun I. Henri, c'est un Y. Et ce n'est pas anglais, c'est la vieille France. Hein. C'est dans l'esprit de mes parents qui ont choisi cette orthographe. Que j'ai porté d'ailleurs comme un fardeau, parce que à chaque fois, il faut m'expliquer. Il faut que je m'explique sur l'orthographe que les gens prennent pour un anglicisme, ou bien ils mettent de... Enfin bon, passons. C'est un fardeau. Difficile. La vie est difficile. Et donc... Et donc, première avril 2015, je vois ce poisson d'avril, un nouveau compte apparaît, @Lesquin2017, disant « Votez pour Henri de Lesquin à l'élection présidentielle de 2017 ». Moi, j'ai pris ça pour une moquerie. Oui. Et ben, pas du tout. C'était, ils sont entrés en contact avec moi par message privé Twitter, ils m'ont dit « Voilà, nous sommes une dizaine de jeunes gens, âgés de 19, et même à l'époque, il y avait 18 ans le plus jeune, à 30 ans, et nous voulons diffuser vos idées nationales libérales ». Je trouvais ça très bien. Alors, ils ont créé un site. Ensuite, je suis devenu, par prudence, directeur de la publication, pour les protéger, qui est le site lesquin2017.com, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et le but, donc, est de diffuser les idées nationales libérales. Mais je fais plus que cela, c'est-à-dire que j'ai décidé de casser les codes du cosmopolitiquement correct. Car je ne dis pas politiquement correct, je dis cosmopolitiquement correct. D'accord. Ce qui veut dire que vous les cassez comment c'est ben, par exemple, tenez, pour prendre un exemple qui m'a valu une folie d'injures absolument incroyables, une plainte du crâne. Le crâne est une espèce de crif aux petits pieds dirigé par un certain monsieur Tin, surnommé Tinette, qui s'appelle le Conseil représentatif des associations noires. Moi, je propose de créer le CRAB, d'ailleurs, le Conseil représentatif des associations blanches. Dieu CRAB. Et donc, j'ai fait une analyse sur l'esclavage. Oui. Alors, contrairement à ce qu'a dit cet imbécile, ce salopard de Paul-Marie Couteau, je n'ai évidemment... On ne peut pas dire... Je n'ai jamais demandé... Dans notre radio de la courtoisie... Ouais, écoutez, j'appelle un chat un chat, et un salopard un salopard. Bon, quand on me calomnie, on mérite... d'être appelé comme on doit être appelé. Donc, je ne suis pas fou. Je n'ai jamais demandé le rétablissement de l'esclavage. Je suis libéral, je suis pour la liberté. Donc, je ne suis pas pour l'esclavage. Mais je dis que le discours convenu sur l'esclavage est anachronique. Et qu'on dit littéralement n'importe quoi sur le sujet. Et alors, j'ai eu le malheur de citer un prix Nobel de sciences économiques, Martin Pelletier. Lequel ? Le professeur Robert Fogel, aujourd'hui décédé. Économiste américain qui a eu le prix Nobel de sciences économiques pour ses études d'histoire économique. Et il a étudié sérieusement, concrètement et pragmatiquement les conditions de vie des esclaves noirs des États-Unis au Sud avant la guerre de sécession, au 19e siècle, avant 1865, et les ouvriers blancs du Nord. Il a conclu que les conditions de vie des esclaves noirs du Sud étaient meilleures que celles des ouvriers blancs du Nord. Voilà le fait. Le fait incontestable. Bon, donc je livre ça à la réflexion. Je dis, voilà, écoutez, on raconte n'importe quoi. Sachez quand même que ce qu'a dit Robert Fogel. Voilà. Et bien, ça a déplu. Ah ben, le fait incontestable, du moins, le résultat de son étude, voilà. Qui n'est pas contesté. Non, objectivement, je ne dis pas simplement parce qu'il est prix Nobel de sciences économiques. Ça n'est pas contesté. Ce n'est pas contesté. C'est toujours contestable. Ouais, bah vous cherchez. L'esprit d'autorité n'a pas d'affaire en science. Écoutez, personne à ma connaissance n'a contesté les chiffres qu'il a réunis, voilà. les éléments qu'il a réunis. Les ouvriers blancs du Nord vivaient dans des conditions misérables, épouvantables. Et les esclaves noirs vivaient dans des conditions un peu moins épouvantables. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, lisez non pas Robert Fogel. Mais autant n'emporte le vent. J'allais le dire. Autant n'emporte le vent et vous verrez. Vous pouvez même voir le film, vous verrez que les conditions d'esclavage n'étaient pas forcément épouvantables. D'accord. D'autres cibles de cosmopolitiquement correctes Faut peut-être pas se répandre là-dessus. Oui, parce que je vous rappelle que la censure administrative du CSA va au-delà de la censure pénale. Absolument. Voilà. Je l'ai entendu dire. Donc je suis discret sur certains sujets, mais les auditeurs de Radio Courtoisie pourront retrouver ma liberté de penser sur mon site internet personnel, qui n'est même pas le site du Carrefour de l'Horloge, qui lui, parce que le Carrefour de l'Horloge est beaucoup plus prudent. Quand je suis au Carrefour de l'Horloge, je suis beaucoup plus prudent que quand c'est sur mon site personnel. Là, je vais moins loin. Vous parlez en votre nom personnel. Poussé par des jeunes gens enthousiastes et qui sont portés à la provocation. Ils ont porté la provocation. Ils ont fait par exemple un texte amusant dont j'ai accepté la mise en ligne sur le site qui s'appelle le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied. Oui, bien sûr. C'est intéressant. C'est pas de moi, je ne suis pas l'auteur, mais je n'ai pas refusé que l'on mis cette amusante étude statistique sur le coefficient de blancheur des équipes de balle à pied. Alors justement, à propos de l'euro 2016. J'ai bien compris. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait nous sommes chrétiens et c'est cette pensée à quelque chose de raciste et nous choque. Eh bien, je dis réponds très simplement que je ne suis raciste que dans le bon sens du terme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis un homme qui ne connaît pas la haine. Et le racisme, dans le mauvais sens du terme, c'est la haine raciale, qui est une forme de haine sociale, et qui est aussi détestable que la haine sociale des marxistes à l'égard des bourgeois. Très honnêtement... On est là pour poser des questions, et je ne prétends pas à un chrétien exemplaire, mais je ne connais pas la haine. Vraiment, c'est un sentiment que j'ignore. Et je distingue, si vous voulez, ça je dois ça à l'un de mes maîtres à penser, enfin l'un des maîtres à penser du Carrefour de l'Horloge, qui s'appelle, qui est décédé aujourd'hui, Julien Freund. Pas Freud, Freund avec un N, F-R-E-U-N-D. Alsacien ? Alsacien, oui. Ou le Rhin, plutôt le Rhin, plutôt le Rhin qu'alsacien. Il me semble qu'il était plutôt... Il parlait avec un accent plutôt germanique, mais il était, je crois, du nord de la Lorraine, donc de la Lorraine alémanique, me semble-t-il. Je crois, je l'ai très bien connu. Et il disait, attention, quand on dit « aimez vos ennemis » dans l'Évangile, c'est « inimicus ». Et il y avait deux mots, pour le mot « ennemi », il y a deux mots en latin, et deux mots en grec. Alors en grec, je ne sais plus comment on dit, mais en latin, je sais, parce que j'ai fait du latin et pas du grec. En latin, il y a le mot inimicus. Et hostis. Et hostis, je vois que vous êtes au courant. Hostis, c'est l'ennemi public, et inimicus, c'est l'ennemi privé. Et donc ce que dit Jésus, aimez, n'ayez pas d'ennemis privés, aimez vos ennemis privés. Il ne dit pas aimez vos ennemis publics, il ne dit pas refusez de faire la guerre à vos ennemis. Et moi, j'ai des hostis, puisque c'est H aspiré, et j'ai pas d'inimicus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu vois très bien. Mais je veux dire qu'avec la Kabbale, j'ai beaucoup de hostis qui sont hostiles, mais j'ai toujours pas d'inimicus, c'est-à-dire je n'ai pas d'ennemis privés. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que je récuse le racisme négatif qui est la haine raciale. En revanche, et c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que, comme disait un autre maître à penser du Carrefour de l'Horloge et de votre serviteur Wilfredo Pareto, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Si le racisme positif, ça consiste à être la conscience de race, ben vous me direz que ça peut être effectivement le côté face de la haine raciale qui est le côté pile. Mais moi, j'ai la conscience de race et je n'ai pas la haine raciale. Je sais que je suis de race caucasoïde, comme vous, apparemment, cher Martin Pelletier. Et donc, en termes vulgaires, de race blanche... de tradition indo-européenne, et je suis fier de cela, mais je n'ai aucune haine pour ceux qui ne sont pas de tradition indo-européenne ou qui ne sont pas de race caucasoïde, qui sont de race mongoloïde, c'est-à-dire jaune, de race congoïde, c'est-à-dire noire. Absolument. Et excusez-moi, mais puisque vous m'avez interrogé sur ce sujet, je vais être obligé de réciter la prière du matin. Laquelle est-ce ? C'est la prière des matins, qui est d'ailleurs plutôt dans mon émission celle du soir, qui est le propos du général de Gaulle rapporté par Perfitte. Oui, le bon vieux propos. Alors, permettez-moi, parce que là, je me sens obligé de le dire, parce que c'est ça mon racisme, et c'est tout, c'est celui de Gaulle. C'est très bien, Martin Pelletier, c'est très bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, des Français bruns. Cela montre que la France a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Voilà tout mon racisme. C'est celui de Gaulle. Oui, mais alors, il y a deux choses, deux questions qu'on peut poser quand même. Est-ce que le général de Gaulle est un modèle? Ça, c'est la première question. Sur ce plan, oui. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se faire déboulonner de son socle la statue était, à mon avis, en danger, justement pour cette raison. Et puis, il y a la deuxième question. Est-ce que la composante raciale est importante pour vous, ethnique? Le fond génétique d'une population détermine largement son identité. Et il faut éviter deux erreurs. Excusez-moi, mais j'ai consacré un livre à cela en 1979 qui s'appelle La politique du vivant. Donc, malheureusement, il est épuisé, mais on doit pouvoir le trouver sur Amazon d'occasion. Et j'ai expliqué tout cela dans le cadre donc, du. Mais répétez-le pour ceux qui n'étaient pas nés simplement. Alors, à l'époque. Il faut récuser un certain racisme qui est le réductionnisme. D'ailleurs, moi qui suis nationaliste, je suis aussi libéral, démocrate et républicain, mais je suis nationaliste. Un nationaliste ne peut pas être raciste au sens du réductionnisme. Parce que si on est raciste au sens du réductionniste, on considère que seul compte la race, et la race, elle ne coïncide pas avec la nation. Aucune nation ne coïncide avec une race. Que l'on prenne la race au sens des premières divisions, des divisions de premier rang de l'espèce Homo sapiens, qui sont, comme vous le savez, selon Carlton Kuhn, au nombre de 5, n'est-ce pas ? Caucasoïdes, mongoloïdes, congoïdes, capoïdes et australoïdes. Eh bien, ou bien que l'on prenne les subdivisions, les sous-races, on peut dire, sans que le terme de sous soit péjoratif, race alpine, race méditerranéenne, race nordique, race dinarique, et ainsi de suite, pour prendre des subdivisions de la race caucasoïde ou blanche. Eh bien, la race, aucune nation, qui est une communauté historique, ne coïncide avec une race ou une subdivision raciale. Par conséquent, si on est nationaliste, on ne peut pas être raciste au sens réductionniste du terme. Ça me semble clair. Cette réduction à la génétique est une négation de l'identité humaine qui est culturelle, qui est à la fois biologique et culturelle. Mais l'erreur inverse consiste à dire que notre identité culturelle n'a rien à voir avec le fond génétique, dont la race n'est qu'une composante. Autrement dit, c'est l'expérience Asmodée. Imaginez, je ne sais plus qui avait employé cette expression, mais imaginez que Asmodée, c'est un dieu, enfin non, un diable plutôt, un diable, pas un dieu, un diable. Un démon qui arriverait la nuit, qui pendant plusieurs années remplacerait dans tous les berceaux les enfants caucasoïdes par les enfants congoïdes. C'est rigolo, c'est bon. En train de se faire, il est à l'œuvre Asmodée. Alors supposons cette, l'opération Asmodée. On pourrait dire, mais le culturaliste par rapport au raciste dirait, mais ça ne changera rien, puisque les enfants vont être élevés par les parents, etc. Ça ne changera rien. Et moi je vous dis... ça change. L'identité serait complètement bouleversée et transformée, ça ne serait plus la France. Le changement du fond génétique avec des enfants qui seraient dès la naissance quasiment élevés culturellement par des parents français de souche n'empêcherait pas que la France se transformât et que son identité disparût. D'accord. Donc vous le fond génétique est essentiel. Dans la politique du vivant, donc vous avez mis en langage scientifique l'intuition du général de Gaulle. Absolument. Voilà, c'est ça. Le fond génétique est essentiel et la race est un élément de ce fond génétique, avec une particularité spéciale d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'indépendamment, disons, du fait que les gènes déterminent non seulement l'apparence physique, mais aussi la constitution mentale, nous sommes nos gènes d'une certaine manière. Les gènes raciaux, ceux qui déterminent les différences raciales, ont aussi un aspect sociobiologique inconnu, enfin ignoré, mais capital, qui suscite la solidarité raciale. Il ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des conflits ethniques d'une autre nature, mais des Congoïdes venus de populations extrêmement différentes... Vont avoir la tendance à... Ils peuvent s'étriper en Afrique entre Nuer et Dinga, par exemple, mais lorsqu'ils se retrouvent dans un autre continent entre eux, ils s'y reconnaissent comme frères de sang. Et d'ailleurs, les Noirs américains, qui ont pourtant des origines extrêmement diverses, qui ont d'ailleurs un tiers de lait dans leur café, si je veux dire, un tiers de sang blanc, de sang caucasoïde, elles s'appellent entre eux brothers. C'est ce qui veut dire frère en français. Vous voyez ? Et donc, lorsque... la société devient hétérogène, racialement, génétiquement. Elle devient non seulement... d'abord, elle se communautarise, et elle devient... elle perd son unité. Elles seront, oui, forcément. Si elle perd son unité. Cette donnée génétique est réelle, ça ne peut pas faire autrement. Ne doutez pas qu'elle l'est. Alors, eh bien, nous avons 10 petites minutes pour parler de votre troisième casquette. C'est la troisième casquette, c'est le Carrefour de l'Horloge dont vous êtes le président. Alors, qu'est-ce qui fait le Carrefour de l'Horloge ? Anciennement, on disait Club de l'Horloge. Pourquoi dit-on Carrefour de l'Horloge ? Qu'est-ce que... Bah, nous avons voulu changer le nom en 2014. Nous l'avons changé pour dire que nous allions nous élargir en étant moins élitistes, tout en conservant l'essentiel, qui est de développer la doctrine. Et donc, le but du Club de l'Horloge, devenu Carrefour de l'Horloge, c'est de développer un corps de doctrine pour la droite. Mais notre idée, si vous voulez, c'est qu'il faut, sur le plan métapolitique, sur celui des idées politiques, pouvoir servir de carrefour, justement, entre les différentes tendances de la droite, sans aucune exclusive. Et c'est comme ça qu'en janvier dernier, nous avons fait une réunion où il y avait beaucoup de gens éminents qui ont exprimé des idées très intéressantes sur la manière de dynamiser la droite. Donc dynamiser la droite en fonction quand même, pas du tout en fonction, mais avec en perspective les grandes élections, donc la présidentielle. Oui, mais l'essentiel n'est pas qu'il y ait une victoire de gens qui se diront de droite, l'essentiel est qu'ils soient réellement de droite, c'est toute la difficulté si vous voulez. Ben oui, puisque jusqu'à présent, depuis 1974 au moins, on a eu des élections fortement soutenues par la partie la plus droite de la droite, qui ont toujours débouché sur une politique de centre-gauche. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing et à Nicolas Sarkozy, qui ont été tous les deux vraiment... catastrophiques. Et surtout tous les deux élus sur un discours de droite. Quand ils ont été élus, c'est vraiment sur un discours de droite. Alors il faut distinguer pour ce qui est de Sarkozy, je me rappelle mieux ce qu'a dit Sarkozy que ce qu'a dit... ce qu'a dit Sarkozy en 2007, de ce qu'a dit Giscard en 1974, en fait, il y avait un double discours chez Sarkozy. Il y avait les grandes incantations nationalistes ou nationales qui ne prêtaient pas à conséquence. Quand il dit « j'aime la France », il va au Mont Saint-Michel, vive la France, vive son histoire et sa tradition, ce n'est pas programmatique. Son programme n'était pas bon. Il n'avait rien dans son programme qui fût vraiment positif, rien. Non, mais il y avait toute la sauce autour, notamment. Vous parlez un discours incantatoire, c'est tout. Oui, mais aussi sur la sécurité, sur l'immigration, etc. Tout, pas seulement sur. Incantatoire sur le sujet. Il n'y avait aucune mesure précise sur l'immigration, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité. Non, c'est ça le système de la vente. Écoutez, l'un des enjeux métapolitiques, justement, sur la sécurité, c'est simple, c'est la peine de mort. On ne peut pas se dire de droite sérieusement. Alors, je sais bien que Jean Ferret était contre la peine de mort pour des raisons un peu particulières. Mais un homme de droite doit être pour la peine de mort, parce que cette peine est juste, et dissuasive et légitime. Bon. Le fait que personne ne la réclame, même pas Marine Le Pen, montre le degré de décrépitude de la pensée politique française. Alors juste... Mogherini, Federica Mogherini, vous savez, personne ne connaît son nom, mais elle est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Oui, c'est vrai, c'est elle. Elle a dit à la Turquie, parce que là, vous savez qu'en Turquie, il y a eu une tentative de coup d'État, que la Turquie feint de vouloir entrer dans l'Union européenne, et que le peuple a demandé à Erdogan, son président, son chef charismatique, ça c'est sûr, de rétablir la peine de mort, qui avait été abolie en 2004 pour faire plaisir à l'Union européenne. Et Mogherini a dit, un pays qui a la peine de mort n'a pas vocation, ne saurait entrer dans l'Union européenne. Mais c'est complètement effarant. Alors c'est d'autant plus ridicule que l'Union européenne vit complètement sous la coupe des États-Unis d'Amérique, et que je sache, les États-Unis d'Amérique, qui sont de ce point de vue très supérieurs à nous, ont la peine de mort et l'appliquent. Alors, donc pour vous, il y a comme ça certains... Je donne cet exemple. Mais certains marqueurs d'une véritable pensée marqueur, de droite. Marqueur, parce que si vous voulez, pourquoi la gauche est-elle à ce point, la gauche apparente ou réelle, pourquoi non, plutôt de deux noms ou de fait? Pourquoi la gauche est-elle à ce point accrochée à cette question de la peine de mort? C'est parce que c'est toute une conception de l'homme et de la société qui est en cause. Si l'homme n'est pas responsable, si l'homme n'est qu'un produit de la société, alors effectivement, il faut le rééduquer. Et il n'y a pas de raison, de morale. La peine de mort, c'est le symbole de la responsabilité humaine. C'est pour ça que vous disiez qu'elle était juste. Elle est juste parce qu'elle consiste à imposer à l'assassin la peine qu'il mérite d'avoir. Et je vous rappelle cette vieille blague qui remonte au 19e siècle, à l'époque où il y avait encore la peine de mort, un humoriste, un comique avait dit je suis partisan de la suppression de la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. C'était Alphonse Karr. Alphonse Karr, voilà, dans Les Mouches, là, j'ai oublié son nom, c'est Alphonse Karr, K-A-2-R. Oui. C'est une belle formule. Eh bien, il faut rétablir la peine de mort. Voilà. Et si on nous dit que c'est un motif pour quitter l'Union européenne, ben je trouve que c'est une raison supplémentaire pour rétablir la peine de mort. Et pour quitter l'Union européenne. Voilà. Alors, dans cette recherche d'une doctrine commune des droites, quels sont les points importants que vous essayez de mettre en avant au carrefour? Alors, ce n'est pas une recherche. Hein, je veux dire, nous recherchons toujours à développer, mais notre corps de doctrine est constitué et largement développé. J'ajoute, sur mes opinions personnelles, j'ajoute des petits suppléments, des additifs, des analyses qui ne sont pas d'ailleurs des analyses programmatiques. Hein, quand je m'intéresse à l'esclavage, mon idée nouvelle, ça, mais il faudrait que je trouve un économiste sérieux qui écrit sur la question, c'est le travail des enfants. Okay. Vous êtes pour ? Mais attendez, je ne suis pas pour. Non. C'est comme pour l'esclavage, je suis contre l'esclavage. Mais si les parents font travailler leurs enfants, en général, ça n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon les enfants meurent de faim. Mais il faudrait que je trouve des économistes qui écrivent sérieusement sur le sujet. Bon, parce qu'on dit, n'importe quoi sur le sujet. Voilà. Quand on dit, mais Total va en Birmanie et il fait travailler des enfants, mais oui, d'accord, et qu'est-ce qu'ils seraient devenus les enfants sinon ? Ils seraient morts de faim ? Hein ? On est dans la stupidité complète du misérabilisme cosmopolite. Bon. Alors, ça, c'est la casquette d'Henri de Lesquin. Voilà. Alors, je reviens au carrefour de l'Europe. Nous, notre projet, c'est de rétablir la démocratie, de rétablir la liberté. On pourrait commencer par cela. Premièrement, la liberté, suppression de toutes les atteintes à la liberté d'expression. Et retour avant la loi Pleven. Et même, d'ailleurs, il faudrait également ôter de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée. La condamnation, l'incrimination de l'apologie du crime de collaboration avec l'ennemi. Vous savez qu'on peut, en disant du bien du maréchal Pétain, être poursuivi. Mais ça a eu lieu. Alors ça a eu lieu, mais il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été positive et qui a permis, en fait, qui a absous Izorni et le I2 qui avaient été poursuivis pour ça parce qu'ils avaient, publié un communiqué dans Le Monde intitulé Français, vous avez la mémoire courte. Mais il y a un risque à cause de cette... Et donc il faut pallier tout ça. Il faut que nous nous mettions, là, sur ce point précis, à la norme américaine. Premier amendement, liberté totale. Alors, liberté totale, non. Incrimination possible en cas de diffamation des individus, en cas d'injure contre les individus. Si je dis Martin Pelletier est un salopard... C'est une injure, c'est pas forcément une diffamation. C'est une injure, et là vous avez le droit de me poursuivre, je ne le dis pas, vous avez remarqué que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, vous avez le droit de me poursuivre pour injure. Sauf évidemment si c'est vous qui avez commencé à m'injurier, parce qu'à ce moment-là... Il pourra y dent pour dent, comme disait le talion. Donc d'abord la liberté d'expression. Sinon, rien n'est possible si on ne balaye pas toutes ces lois. Point 1. Deuxièmement, la démocratie. Et pour cela, il faut faire des réformes importantes et en particulier généraliser le référendum et établir le référendum d'initiative populaire comme en Suisse. Vous savez, à beaucoup d'égards, la Suisse est un modèle. Hein. Oui, mais c'est un modèle. Moi, j'ai lu dans Le Monde une tribune très récemment. Vous avez une mauvaise lecture. À propos du Brexit, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais quand même, c'est intéressant, d'un grand avocat qui s'appelle Laurent Cohen-Tanugi et qui proposait précisément d'interdire par les traités internationaux toute possibilité de référendum sur des sujets comme le Brexit parce que ça donne indûment la parole au peuple. Cet avocat qui n'est pas un grand avocat à mes yeux, le Cohen-Tanugi, qui est un parfait cosmopolite, au sens d'adepte de l'idéologie cosmopolite, est un membre de la superclasse mondiale et veut imposer effectivement au peuple ce qui les aliène et veut bannir la démocratie, si vous voulez. Non, pas le temps, mais sinon je vous expliquerai en quoi notre démocratie est d'apparence. En fait, ce que nous voulons, c'est sortir de cette fausse démocratie. Pour rentrer dans la vraie. Pour rentrer dans la vraie, nous avions écrit autrefois avec Yvan Blot la démocratie confisquée. Ben nous voulons libérer la démocratie, rétablir la vraie démocratie qui passe par la liberté d'expression, mais ensuite par le référendum d'initiative populaire. Ça. Et alors nous avons encore 2 minutes pour les autres points importants de la doctrine que vous souhaitez. 3. Mais écoutez, je vais parler un peu d'économie ou d'immigration. Qu'est-ce que vous préférez, l'immigration ou l'économie ? Immigration peut-être, parce que... Très simple, la réémigration. Alors, pratiquement, ça se fait comment, là ? C'est très simple, vous savez, que les étrangers qui sont en France ont un titre de séjour. Oui. Alors, je parle des étrangers non européens. Mais une fois que l'Union européenne sera sortie de... Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, de toute façon, ça sera applicable à tous les étrangers. Donc, un étranger a un titre de séjour qui est de 10 ans, ce qui est beaucoup trop. Il faudra le raccourcir. Mais surtout, il faudra dire qu'on ne le renouvelle pas systématiquement comme ça a lieu actuellement. Et c'est-à-dire que, eh bien, on dit à cet immigré, eh bien, nous n'allons pas renouveler votre titre de séjour, donc vous devez partir. Alors vous allez me dire, il ne va pas partir. À ce moment-là, il devient immigré illégal, passible de peine de prison. Bon. Et bien entendu, il faut prendre les mesures pour que les immigrés illégaux n'aient plus aucun droit. On va supprimer l'aide médicale d'État, car vous savez qu'un des scandales actuels, c'est que l'immigré illégal, qui est un hors-la-loi objectivement, et qui est en France sans avoir le droit d'y être, a des droits supplémentaires à ceux des Français, des droits supérieurs à ceux des Français, et même à ceux des autres immigrés qui, eux, sont légaux. Il a droit à l'aide médicale d'État. Ce qui est remarquable. Non mais, c'est une histoire de fou. Sarkozy n'a pas supprimé cela. Vous voyez ? Et donc la fausse droite est une vraie gauche. Sarkozy est un homme de gauche parfaitement cosmopolite. Je dis ça exprès pour un peu pour taquiner, parce que je vous soupçonne de ouais, Sarkozy mais moi, j'ai galopant. J'ai toujours eu une sympathie spontanée pour Sarkozy. Moi, j'ai une antipathie spontanée, c'est parce marrant. Parce que je le trouve drôle. Et il est vulgaire. Il est plein d'allant, il est bling-bling. Il est vulgaire. Moi, j'aime bien ce genre. Il est vulgaire, de... il est abject, oui, il est abominable. Lui, regardez les Juppé, les autres qui se Juppé cachent. Il a plus de classe, quand même. Écoutez. Ah, bah alors là, franchement. Pas d'accord. Non, ah non. Vraiment, mais... non. Il a la classe naturelle, Nicolas. Il est plein d'allant. Écoutez, il fait honte à la France. Quand il apparaissait comme président de la République, il faisait honte à la France. Tellement il est moche, tellement il est laid, tellement il est vulgaire, tellement il est... Ah, ah bah c'est pas l'opinion de Carla, tout de même. Carla est une femme qui aime les célébrités, qui cherche l'apparence et le pouvoir. Bon, franchement... Eh ben, Henri de Lesquin, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, Martin Pelletier. J'aurais pu continuer longtemps comme ça. Oh hein. Ben, on pourrait toujours continuer des heures et des heures. Eh bien, je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission du Libre Journal de la Liberté Surveillée. La résistance française. Le Club de la Presse. À tout à l'heure.